Notre armée a déjà déclaré solennellement qu'elle considère comme une provocation militaire toute guerre psychologique contre le Nord au barrage de la ligne de démarcation militaire et qu'elle ne le pardonnera jamais. Malgré cet avertissement, les fanats de guerre sud-coréens installent un tableau lumineux haut de 10 mètres et large de 18 mètres aux environs du poste de la commune d'Igil de l'arrondissement de Seolwon de la province du Gangwon du Sud, dans la zone démilitarisée de la ligne de démarcation militaire, à partir du 27 octobre. Cela fait partie de l'intention du ministère de la Défense, qui a parlé officiellement d'accroître le nombre de haut-parleurs, de prolonger l'heure d'émission et de concentrer toutes les forces à l'installation des appareils visuels de guerre psychologique, y compris l'installation de nouveaux tableaux lumineux, pour mettre plus d'accent sur la guerre psychologique contre le Nord. Un tableau lumineux a plus d'effet qu'un haut-parleur. Ce disant, les fantoches prétendaient sans hésiter qu'ils mettront en place des tableaux lumineux à usage urbain, mobile et fixe, qui montrent aussi des images animées, différentes de ceux du passé qui ne donnaient que des lettres. Ils sont donc à la première étape de l'exécution de leur plan. La démarche des fantoches est partie de l'ambition sournoise d'amener le duel avec les compatriotes qui est à l'extrême à un conflit militaire. Les fantoches ne seront pas sans savoir que notre armée qui défend son leader et son régime avec l'arme ne restera pas impassible devant la frénésie en face d'elle. Leur intention est d'installer un tableau lumineux pour qu'elle devienne la cible de la riposte de notre armée et de le prétexter pour justifier leur provocation militaire. La témérité des fantoches rend imprévisible la situation extrêmement tendue dans les parages de la ligne de démarcation militaire. Les fantoches qui n'ont pas réussi à nous ébranler avec les haut-parleurs et d'autres moyens le long de la ligne de front cherchent à utiliser jusqu'au tableau lumineux comme moyen de la confrontation avec les compatriotes, ils finiront par payer cher. Ils n'auront rien à gagner avec des tableaux lumineux et c'était la riposte impitoyable, y compris le tir visé de notre armée. Notre armée indignée est fin prête à la vengeance. Les fanats de guerre sud-coréens ne doivent pas agir à la légère en face de notre armée.